Rückert, Barberousse. De gloire et de mystère, Barberousse voilée dans son château sous terre se tient, ensorcelé. Il vit encore pour l'heure et ne doit point mourir. Il sait dans sa demeure étendue pour dormir. La majesté royale se garde en son manteau, mais à l'heure fatale il ceindra son bandeau. La chaise est en ivoire où l'empereur s'assied. La table est rouge et noire où se cache son pied. Sa barbe vénérable est un brûlant feston. Elle croît sur la table où pose son menton. Il dort et fait un rêve, l'œil à demi ouvert. Puis après une trêve, il fait signe à Robert. « Petit nain d'Allemagne, dit l'antique héros, vois si sur la montagne voltigent les corbeaux. Si les corbeaux encore voltigent tournoyant, je dois, loin de l'aurore, dormir encore 100 ans. » La clochette du fourvoiement. Légende de Zeslach en Bavière. Le jour s'éteint, la nuit dans les cieux jette au loin ses voiles funèbres, et dans les bois un vent nébuleux glisse en sifflant sous les ténèbres. La damoiselle au pas incertain s'égare dans un affreux chemin. Elle s'effraie au bruit de la feuille, elle a peur du pas de son pied. Dans le ciel, pas un astre qui veuille jeter un rayon de pitié. D'instant en instant, elle s'engage plus avant dans le fond du bocage. Soudain se découvre à ses regards, dansant au bord du marécage, un ballet aux pas les plus gaillards, des sylvains la troupe sauvage. Leurs yeux lancent de sombres éclairs pour l'attirer au fond des enfers. Pareils aux clartés d'humbles cabanes, on les croit loin, ils sont tout près. Elle s'avance sous les platanes, elle vole, elle est tout auprès, des démons l'œil s'anime en la voyant au bord de l'abîme. Déjà son pied les suit dans le gouffre, mais on appelle au fond des bois. C'est comme un son lointain qui s'engouffre dans son oreille par 3 fois. Elle se tourne à demi joyeuse, écoute cette voix merveilleuse. Et bien avant que le son s'éteigne, les feux follets ont disparu. Elle s'avance, puis se renseigne sous la garde du son connu, qui, l'amenant par monts et vallées, l'attire enfin des sombres allées. Déjà dans le lointain, l'on voit poindre les maisonnettes du hameau. Toujours le son se fait un peu moindre et va se perdre sous leurs mots. Aussitôt, elle fond en prière et courbe les genoux jusqu'à terre. Elle cache le front sous sa mante et verse des pleurs de merci au Sauveur dont la voix caressante l'arrache à son mortel souci. Et lorsqu'elle rouvre un œil humide, à l'Orient brille un jour timide. Elle aperçoit, au loin, sur les monts, son haut castel en sa paroisse. Elle court déposer ses affronts au sein d'un père plein d'angoisse. Il ne revient pas d'étonnement au récit d'un si cruel tourment. Il bâtit alors, juste à l'endroit où sonna la douce musique, petite chapelle à clocher droit, à toit d'ardoise, à mur de briques, et tout au haut du petit clocher, un pieux métal vient s'attacher. Et quand brille l'étoile du soir, dans le clocher bat la clochette, éteinte le long du buisson noir, à qui s'égare dans l'herbette. D'un pas sûr, il marche sous l'ormeau vers les maisonnettes du hameau. La clochette pend dans la chapelle depuis 400 ans et plus, toujours aussi sonore, aussi belle et limpide de plus en plus. En souvenir de la jeune enfant, c'est la clochette du fourvoiement.